Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la visite de Jean-Paul II au Canada en 1984. C'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Moi, pour moi, là, en pleurant comme ça, là, je m'imaginais le bon Dieu, je peux pas le voir. Mais lui, je le vois par le bon Dieu, tu sais, dans la présence du bon Dieu. Là, j'ai dit, si lui, c'est pas possible. Ils seront très nombreux, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, comme cette dame qu'on vient d'entendre, à vouloir absolument voir le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Canada en 1984. Le pape va passer plus d'une dizaine de jours ici. Il parcourra le pays d'un océan à l'autre. Il prononcera au total 34 discours importants. Et parmi les moments marquants de cette visite, bien sûr, cet après-midi, avec des jeunes au Stade olympique de Montréal. Chers amis du Canada, on vous a dit que ma visite chez vous était celle d'un pasteur. Le pasteur, c'est celui qui rassemble. Je sais que je serai témoin chez vous de votre dynamisme humain et de votre vitalité chrétienne. Hérité d'un grand passé. Et moi, je compte vous faire part de la foi et des sentiments qui m'animent comme successeur de Pierre. Le pape Jean-Paul II, le jour de son arrivée à Québec le 9 septembre 84, et bien sûr cette célèbre chanson chantée par Céline Dion au Stade olympique, une colombe. L'historien, enseignant à la TEDx, habitué de l'émission, Éric Bédard est avec nous pour revenir sur cette visite historique, dans l'importance qu'elle aura, visite de Jean-Paul II au Canada. Éric, bonsoir. Bonsoir. Éric, un mot d'abord sur Jean-Paul II. Évidemment, c'est un grand voyageur, ce sera le pape globe-trotteur. Son voyage au Canada, c'est déjà dans son pontificat, son 24e voyage. Mais c'est d'abord et avant tout Jean-Paul II, ce Polonais qui gravit très, très vite les échelons. Absolument. Il est ordonné prêtre en 1946. Il devient docteur en théologie 2 ans plus tard. C'est quelqu'un qui est né en 1920. C'est quelqu'un qui connaît en effet une ascension fulgurante, évêque de Cracovie à 38 ans, puis cardinal. Il va prendre part aux travaux de Vatican II, cette réforme importante de l'Église. Et il sera élu pape, donc, le 16 octobre 1978. Il est tout de suite perçu, vous savez, dans un contexte de guerre froide. Hein. Mm-hmm. C'est un pape donc qui vient de la Pologne. Il est considéré comme une sorte de héros national, notamment par les dirigeants de Solidarité. Lech Wałęsa avait un macaron du pape sur ses chemises. Parce qu'il sera important, dit-on. Oui, il sera important dans la chute du bloc de l'Est. Absolument, du absolument. Il va jouer un rôle diplomatique, mais aussi politique. Il va condamner ce totalitarisme. Et il sera aussi en 1981, et c'est important de le comprendre pour la suite, victime d'un attentat le 13 mai 1981 et sa réaction, son courage, mais aussi le pardon dont il fera preuve à l'égard de celui qui tentera de l'assassiner, seront salués. Ça va beaucoup impressionner. C'est un pape qui a un charisme. C'est un homme chaleureux. C'est un pasteur, justement, qui va vouloir rencontrer le peuple de son Église. Tout ça dans l'esprit un peu de Vatican II, qui va donc partout dans le monde. Oui. Son premier voyage est en République dominicaine, puis il va au Mexique. Évidemment, il va aller en Pologne, en Irlande, et, comme vous l'avez dit, le Canada, c'est sa 24e destination. Pourquoi cette visite au Canada en 84? Ben, parce qu'il reçoit tout simplement une invitation de la Conférence des évêques. Il y répond. C'est une espèce de star. Tout le monde toute la communauté catholique le veut. Oui, absolument. En fait. Il a déjà fait tous les continents. Ouais. Et ses voyages sont très, très médiatisés. Les images sont diffusées partout sur la planète. Évidemment, à chaque fois qu'il arrive dans un pays, il se prosterne, il embrasse le sol. Alors là, c'est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent. Et donc, quand il arrive au Canada, donc c'est vraiment un voyage pan-canadien, comme vous l'avez dit. Il démontre une énergie assez incroyable. Il dort très peu, aucun repas public. Il utilise l'avion, l'hélicoptère, le bateau, la pape mobile, la fameuse pape mobile, à cause de cet attentat. Et donc, les images seront télédiffusées à travers la planète. 97 heures de télé durant ce voyage. Puis l'attentat, on y revient parce que c'est important. Comme quelqu'un a tenté de l'assassiner, évidemment, la sécurité qui entoure Jean-Paul II, où qu'il soit dans le monde, est importante. À Montréal, je dis Montréal parce que au Canada, mais ça devient d'autant plus important qu'à Montréal, justement, quelques jours avant son arrivée, il y a un événement à la gare de Montréal, une bombe qui éclate à la gare de Montréal. Ça fait 3 morts. On écoute à ce sujet Mgr Adolphe Proulx au micro de Simon Durivage en 1984. Est-ce que cette tragédie de ce matin remet en question, à votre avis, la visite du pape? Non, je ne crois pas. Je pense que les autorités vaticanes, de même que les autorités canadiennes, sont au courant des dangers que concourt une telle visite. Et nous ne sommes pas du tout... Nous devons nous préparer en conséquence. Les gens qui ont critiqué, par exemple, les préparatifs au point de vue sécurité peuvent peut-être aujourd'hui comprendre pourquoi. Nous devons protéger l'homme qui est le messager, comme vous l'avez dit tantôt, un messager de la paix par excellence. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire, Éric Bédard, la sécurité durant cette visite du pape au Canada? Alors, c'est deux hélicoptères qui sont en permanence, qui survolent tous les déplacements du pape, qui sont là en permanence pour surveiller ce qui se passe. C'est toutes les boîtes postales le long du parcours qui seront empruntées, qui seront enlevées. On craint que des bombes soient déposées. Ce sont des agents de la GRC et de la Sûreté du Québec qui vont être envoyés au Vatican pour recevoir une sorte de formation sur comment se comporter avec un tel visiteur. Alors donc, et tout ça défrayé par le gouvernement canadien, puisque faut voir que Jean-Paul II, comme tous les papes, c'est aussi un chef d'État. Ouais. Il est accueilli comme tel au plan protocolaire, donc il est accueilli par la gouverneure générale à son arrivée à Québec, Jeanne Sauvé à l'époque, et il va aussi faire un discours devant le Parlement canadien. Ouais. Ce sera la dernière étape de son parcours le 19 septembre. Donc il arrive le 9 septembre et il va partir à Rome le 20 septembre. Ouais. Longue visite, oui. Qu'il commence au Québec, c'est intéressant, c'est pas un hasard. En fait, les choix qu'il fera sont à peu près tous réfléchis et symboliques, Éric. Oui, absolument. Alors, Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui ne laisse... D'abord, il avait fait venir les évêques, les responsables diplomatiques pour avoir vraiment une espèce de pour sentir ce qui se passait au Canada et notamment au Québec. Et donc, oui, il commence par le Québec. Il aurait pu commencer par Saint-Jean-Terre-Neuve et dans une logique purement géographique. Mais il commence par Québec. Il arrive le 9 et il va partir le 11. Et Québec, évidemment, ça a été longtemps la capitale des catholiques de l'Amérique du Nord. Et il va tout de suite se recueillir devant des personnages qu'il juge exemplaires. Monseigneur de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, arrivé en 1659. Marguerite Bourgeois, quand il va à Montréal, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame. Évidemment, le frère André, Alfred Bessette, grand guérisseur. Il va se recueillir aussi dans des endroits de pèlerinage marquants. Sainte-Anne-de-Beaupré, le Cap de la Madeleine, l'Oratoire Saint-Joseph. Et donc, il va dans ces lieux-là. Et plus tard, durant son voyage au Canada, il va aussi rencontrer, évidemment, les catholiques. Mais il a une visée écuménique. Ouais. Ça aussi, c'est l'esprit de Vatican II, c'est-à-dire l'Église qui s'ouvre aux autres confessions. Et quand il dit je viens comme un pasteur, c'est un pasteur qui s'adresse bien sûr à ses co-religionnaires, les catholiques, les 11 millions de catholiques canadiens, mais aussi aux gens d'autres confessions. Et ça aussi, c'est l'esprit de Vatican II. Et au Québec, il arrive, et il le sait parce qu'il est préparé, dans une terre qui a été très, très, très marquée par le catholicisme, qu'il l'est moins en 1984. Et donc, les messages qu'il aura... où qu'il passe, sont aussi ciblés. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il veut dire d'abord aux Québécois, Éric? Ben, d'abord, quand il s'adresse aux Canadiens français, aux Québécois, disons, le 9 septembre, dans son homélie à l'Université Laval, d'emblée, il reconnaît l'éclatement, c'est le terme qu'il utilise, de la culture traditionnelle canadienne-française. Il prend acte de ça, que, évidemment, le Québec n'est pas là où il était dans les années 40 et 50. La science, les valeurs matérielles, l'importance des droits de l'homme, la justice, l'égalité, la liberté, du partage... Mais en même temps, il invite les Québécois à ne pas renier leur passé. Il dit aux Québécois, je le cite, « Vous saurez vous souvenir de votre passé, de l'audace et de la fidélité de vos prédécesseurs pour porter à votre tour le message évangélique au cœur de situations originales. » En fait, il dit la chose suivante, ça tous les journalistes vont bien le noter le lendemain, « N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. Ouais. » Et ça, c'est un message important puisque les Québécois de la Révolution tranquille vont dire « Notre nouvelle identité québécoise, c'est la langue française. » Mais la langue française que tous peuvent parler, qui n'est pas confinée à une seule ethnie, mais en même temps, la religion ne fait plus partie de notre identité. Maintenant, la religion, c'est du domaine privé. Ouais. C'est le grand discours de la Révolution tranquille. Or, Jean-Paul II vient dire aux Québécois, attention de vous départir de cette dimension culturelle fondamentale. Vous avez de grands prédécesseurs, vous avez une grande culture, ouais. Et ça a nourri la culture. La culture, c'est plus large qu'une langue. Ouais. La question amérindienne sera aussi l'une des questions importantes abordées par Jean-Paul II en 84. On écoute un extrait d'un discours qu'il prononce. Il s'adresse aux Amérindiens et aux Inuits lors de son passage à Sainte-Anne-de-Beaupré le 10 septembre 84. Dieu a donné la terre à tous les hommes. Aujourd'hui, vous avez votre place bien marquée en ces pays. Nous devons constater qu'en plusieurs endroits, les autochtones sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisés de la société. Ils souffrent des retards apportés à une juste compréhension de leur identité et de leurs aptitudes à participer aux orientations de leur avenir. Ceux qui gouvernent ce pays ont de plus en plus à cœur de respecter vos cultures et vos droits et de rectifier les situations pénibles. Cela s'exprime déjà dans certains textes législatifs susceptibles de progrès et dans une meilleure reconnaissance de vos propres lieux de décision. C'est intéressant cet extrait, Éric Bédard, Jean-Paul II, qui en appelle clairement à un changement sur la question autochtone, puis qui évoque même le principe d'autonomie gouvernementale dans ce qu'on vient d'entendre. Il le dit encore plus clairement lorsqu'il sera à Fort Simpson, donc dans les prairies. Il dira « Je veux proclamer cette liberté nécessaire à une mesure juste et équitable d'autodétermination dans votre vie en tant qu'autochtone ». Donc, il plaide cette cause-là, mais en même temps, il va aussi commémorer là, le travail des missionnaires. Hein. Il sera dans le pays des Hurons, dans une de ces étapes de son voyage. Donc, aussi souligner le travail de ces missionnaires. Alors, Jean-Paul II, on sent qu'il s'adresse donc à l'ensemble de ses coreligionnaires, à toutes les confessions, comme pasteur, mais il a des publics cibles, absolument, on pourrait dire, en termes de marketing. Des messages à passer. C'est un communicateur. Il en a donc pour les Autochtones, il en a pour les Québécois, les Canadiens français, il en a aussi pour les jeunes. Vous remarquez la qualité de son français, hein, Jean-Paul II parle un bon français. Il va s'adresser aux Canadiens dans leurs deux langues officielles, surtout en français au Québec. Et il a plus de facilité en français qu'en anglais, puisque les élites polonaises, traditionnellement, avaient souvent, c'était la deuxième langue des Polonais pour l'élite cultivée, et c'était le français. Et c'est sûrement le cas de Jean-Paul II. Vous parliez des jeunes, ce sera marquant, ce message qu'il portera à la jeunesse. Au stade olympique, tout le monde se souvient de ceux qui en ont l'âge, en tout cas de ce grand rassemblement au stade olympique de Montréal. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié. On a pensé à Céline Dion. qui était toute jeune à l'époque, elle avait peut-être 16 ou 17 ans, et qui était déjà connue quand même un peu, mais c'était une belle image. C'était une jeune, une fille qui venait d'une grosse famille. Bon, elle n'avait pas le lustre et la connaissance qu'on a aujourd'hui. Et on s'était dit, ça serait intéressant. Et moi, j'avais dit, de même que la chanson, Paul et Marcel nous l'ont fournie gratuitement, il faut qu'elle chante gratuitement. On aurait payé pour chanter au stade devant le Pacte. Je trouve que ça a été une occasion extraordinaire, un point tournant dans sa carrière. Quel beau moment quand elle a chanté une colombe devant le Pape. Tout le monde était touché. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Le cardinal Jean-Claude Turcotte, l'impresario René Angélil, qu'on entendait ici se rappeler, entrevue accordée en 2004, de ce moment mémorable où Céline Dion chantera pour le pape. Cet événement-là, Éric Bédard, c'est probablement celui qui aura été le plus marquant dans cette visite de Jean-Paul II au Canada. Oui, et au fond, vous voyez, il est très conscient, Jean-Paul II, on le voit dans son discours, que les jeunes se sont massivement détournés de l'Église, en tout cas en apparence, c'est-à-dire qu'ils ne fréquentent plus, ils vont pas à la messe les dimanches. Bon, il y a moins de ferveur religieuse chez la jeunesse. Et donc, il leur dit aux jeunes, dans son discours, « Gardez-vous aux heures obscures de vous évader. Ayez le cran de résister aux marchands d'illusions qui exploitent votre soif de bonheur et vous font payer cher un moment de paradis artificiel. » Évidemment, il parle de la drogue. Ouais. Et donc, il invite les jeunes à revenir. Et c'est ce même pape qui va organiser, qui va lancer ces grandes rencontres de la jeunesse parce qu'il est bien conscient que l'avenir de l'Église passe par là. Ouais. Le pape va aussi s'adresser, Éric, on revient au chef d'État, vous l'évoquiez un peu plus tôt dans cette émission, va s'adresser aux élus fédéraux, à la Chambre des communes. Ça, c'est très formel, c'est vraiment le discours du chef d'État aux parlementaires canadiens. Oui, alors justement, le 19 septembre, il s'adresse aux parlementaires et en gros, il est assez sympathique à ce Canada de la diversité, du multiculturalisme, il le dit assez explicitement, et il envoie des messages. Un message très positif sur la politique étrangère canadienne, qui est celle du maintien de la paix, de la diplomatie. Par contre, il dit clairement qu'il est contre les mesures favorables à l'avortement. Mm-hmm. Il le dit devant les parlementaires. Et donc, le message là-dessus, il est le même. Il va même dire que l'avortement est une sorte de crime. Ouais. Parce qu'aussi ouvert qu'il puisse être, aussi moderne dans sa manière de communiquer, ça reste le pape, ça reste celui qui défend les doctrines de l'Église catholique. Absolument. Et durant tout son voyage, il va s'exprimer contre le mariage des prêtres, contre la pilule anticontraceptive. Il va plaider pour la planification familiale naturelle, évidemment contre l'avortement. Il va plaider en faveur de la dignité du mariage, donc de son indissolubilité. Et il va saluer l'importance des laïcs à plusieurs reprises. Mais les clercs restent investis d'un rôle supérieur dans l'Église, évidemment. Bon, on entendait Céline Dion chanter au Stade olympique. C'est vraiment, encore une fois, l'image qui nous reste. Grand, grand rassemblement. Il y a des dizaines de milliers de jeunes. Mais ce sera comme ça tout du long. Il est vraiment accueilli en 84 comme une star, Jean-Paul II. On écoute pour nous remettre dans l'ambiance. Vous allez voir, c'est très parlant. On écoute un reportage à l'époque de Jocelyn Laberge. Le chef du train a ralenti la course du train à la demande probablement de la voiture papale afin de permettre à Jean-Paul II de s'installer à la fenêtre panoramique qu'on avait aménagé dans son compartiment pour pouvoir saluer les dizaines, mais alors là, les dizaines de milliers de personnes qui, tout au long du trajet, les 30 000 particulièrement, entre Sainte-Anne-de-Beaupré et Québec, ensuite, à plus vive allure dans la campagne entre Québec et le Cap-de-la-Madeleine, qui s'étaient massés le long de la voie ferrée. Il y avait même des fermiers dans leurs champs qui étaient grimpés sur leurs instruments, leurs outils aratoires, qui était là pour saluer Jean-Paul II, et à chacun des carrefours, à chacun des passages à niveau, c'était la même chose. Partout, la joie qui apparaissait sur le visage des gens lorsque le train passait. C'est la folie, Éric Bédard. Il y a des gens qui nous écoutent, qui s'en souviennent, mais c'est comme ça partout, des foules, particulièrement au Québec, mais des foules gigantesques. Des foules gigantesques, vous avez raison de le souligner, particulièrement au Québec, ce sera un peu moins le cas dans le reste du Canada. 300 000 personnes qui iront célébrer la messe au parc Jarry, donc le jour 2. Ensuite, malgré la pluie, très mauvais temps, 65 000 jeunes qui seront présents au stade olympique le long de son cortège sur la rue Sherbrooke. Énormément de gens. On estime que c'est à peu près 1,5 million de personnes qui sont allées le voir. Et tout ça, en plus, était suivi à la télévision. Oui. Comment on explique cet engouement, Éric? On est en 1984. Le Québec, qui a été très, très fortement marqué par le catholicisme, a tourné le dos en bonne partie à la religion. Comment expliquer un tel succès dans ce Québec qui est devenu une des sociétés qui s'est le plus sécularisé au monde? Justement, alors la veille de son arrivée, Le Devoir va publier un sondage intéressant sur ce que représente le pape et la religion. Alors, les résultats sont intéressants. Le pape est davantage perçu comme un guide spirituel qu'un chef. La religion n'offre une certitude de vie après la mort que pour 12% seulement des Québécois en 1984, alors que pour 46% d'entre eux, elle offre une morale pour se guider dans la vie. Alors, en effet, il y a moins de gens à la messe, mais il y a un fond culturel catholique qui existe. Les gens continuent de se faire baptiser, les gens continuent de faire baptiser leurs enfants, de se marier à l'église, de recevoir des obsèques religieuses à leur décès. Selon les sociologues de la religion, selon les travaux d'un sociologue comme Martin Meunier, par exemple, de l'Université d'Ottawa, tout ça va décliner considérablement après 2001. Mais ah bon? En 1984, il y a encore un fond culturel. Alors, donc, on a tendance à penser que ça vient plus tôt, mais non. Exactement. Non, c'est pas aussi brutal qu'on le dit. Bien sûr, les églises se vident. Bien sûr, il y a moins de vocations. Ouais. Bien sûr, il y a beaucoup de clercs qui ont défroqué. Mais il y a un fond culturel catholique qui est toujours présent. Et vous voyez, juste un chiffre. Le Devoir nous dit que 67% des Québécois, en 1984, sont toujours favorables au maintien d'un système scolaire confessionnel. Ouais. C'est quand même intéressant. Ouais. Donc, il y a un fond qui est là. Et ajoutez à ça le charisme de l'homme, un charisme assez exceptionnel. C'est exceptionnel de recevoir le pape. Le pape, là, jusqu'à Jean-Paul II, ne se déplaçait presque jamais. Il était toujours au Vatican, il ne bougeait pas. Il émettait comme ça des encycliques. Mais là, lui, il bouge énormément et il vient nous visiter. Donc, ça ne passe pas inaperçu. Cet homme charismatique parti, que restera-t-il de cette visite? Ben, c'est justement. Alors, ça a été tout un événement. Ça a été très, très suivi. Mais, la vague de fond de sécularisation s'est poursuivie. Ouais. Donc, autrement dit, le charisme seul n'a pas suffi à renverser cette vague de fond qui emportait le Québec depuis les années 60. Éric Bédard, historien, enseignant à la TELUC, ami de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Merci également à André Martineau à la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, stagiaire à la recherche Caroline Desruisseaux, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.